Les policiers sont venus. Ils nous ont fait vivre un cauchemar. Ils disaient, vous avez osé manifester. On croyait que vous étiez avec nous, avec la France. Mais on ne les écoutait pas. Notre but à nous était de se libérer de la colonisation, libérer le pays et d'accéder à la liberté totale. Du coup, ils nous ont persécutés. Ils ont tout cassé dans nos maisons, les portes et même la vaisselle. Ils nous ont harcelés et malmenés des jours durant.